Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد حياكم الله ومرحبا بكم بفضل الله تعالى on a déjà fini la lecture du kitab de l'umrat al-i'tiqad donc pour le temps restant avant le départ inshallah on va faire des rappels généraux pour rester dans la continuité. Fil istimrar, liyana al baraka fil istimrar, la baraka est dans la continuité. Des rappels et dans le pour le grand besoin que l'on a surtout ici de revivifier le cœur en se rappelant la parole d'Allah Azza wa Jalla et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de se rajouter du ilm du savoir. Naam. Fa al-yawm sanatahaddath hawla hadithin مشهور معلوم لديكم لكن ما تكرر استقر si on va se rappeler un hadith qui est très connu qu'on a déjà cité à maintes reprises mais comme on dit ce qui se répète s'ancre mieux d'accord dans les esprits et dans les cœurs et c'est un hadith qui est très important وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه c'est un hadith d'Ibn Abbas qu'on avait déjà pris déjà dans Arba'in Nawawiyyah dans lequel il dit كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمة يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك أو أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد لن ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك ولن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وفي رواية أخرى قال يحفظ الله تجده أمامك وتعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا donc il a dit Ibn Abbas رضي الله عنه qu'il était derrière le Nabi صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire sur une monture et que le prophète lui a dit « ô jeune garçon, je vais t'enseigner des paroles. » Il lui a dit « Protège Allah, c'est-à-dire sa religion, et Allah te protégera. » Il lui a dit également « Protège Allah et tu le trouveras devant toi. » Et si jamais tu as une demande à faire, fais-la à Allah. Et si jamais tu as de l'aide à rechercher, recherche-le auprès d'Allah Azzawajal. Et sache que même si toute la communauté devait se réunir pour t'apporter quelconque bien, il ne saurait t'apporter que ce que Allah Azzawajal t'a déjà écrit. Et sache que même si toute la communauté devait se rassembler pour te nuire en quoi que ce soit, ils ne sauront te nuire qu'en ce que Allah Azzawajal t'a déjà écrit. Et que les plumes sont levées et que l'encre a séché. Ça, c'est une version apportée par Tirmidhi. Dans une autre version, il dit de protéger Allah et que tu le trouveras devant toi. Et lui a dit, rappelle-toi, reconnais Allah dans l'aisance et Allah te reconnaîtra dans la difficulté. Et sache que ce qui t'a atteint, tu ne devais pas en être, ou tu ne devais en être épargné. Et ce dont tu étais épargné ne devait pas t'atteindre. Et sache que le secours ne vient qu'après la patience et que la délivrance ne vient qu'après l'affliction. Et qu'il y a après la difficulté, la facilité. Naam. Donc ce hadith, comme vous pouvez le voir, c'est un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela à un jeune garçon qui est Ibn Abbas, qui était encore un pubère à l'époque. D'accord ? Donc il lui a dit « Ya roulem » À la base, le mot « roulem » en arabe, c'est pour un enfant. Ce n'est pas dans l'absolu. C'est déjà venu pour autre, un jeune homme. C'est même venu pour un homme. Car lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était monté lors du Mi'raj, il a traversé les cieux et qu'il a rencontré les prophètes, qu'il est passé par Moussa, alayhi salam, et après il a continué pour aller vers Allah azawajal, d'où les 5 salawat qui ont été prescrites, Moussa s'est mis à pleurer. Faire qu'il a dit Moussa, « Wa ma abkak, qale hadha al-ghulam, sayadkhulu al-jannah afdal min ummati. » Lorsqu'on lui a dit, « Pourquoi tu pleures Moussa ?» Il a dit « Hadha al-ghulam. » Et là, il parlait de qui ? Du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un homme déjà. Un homme d'un âge avancé. Plus de la quarantaine. D'accord ? Il l'a appelé Roulem. Pour dire Roulem, de base, c'est un jeune garçon. Mais parfois, ça peut être employé pour autre chose. Non. Donc là, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné Ibn Abbas. « Famin hadil faqra, nara ahammiyat ta'alim al-awlad, masail » à l'aqidah, qu'il revient d'enseigner aux enfants en bas âge les questions importantes de l'aqidah. Celles qui vont s'ancrer dans son esprit et dans son cœur, il va grandir avec. Car à travers ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va initier Ibn Abbas à reconnaître son Seigneur, il lui apprend le tawhid et il lui apprend la foi au destin. Il lui apprend le tawakkul, tous ces faits qui sont indispensables pour la vie du croyant, pour avoir une bonne vie, et pouvoir affronter, comme le cite la fin du hadith, que le secours... Alaykoum salam wa rahmatullah. Car le secours ne viendra qu'avec la patience, et que la délivrance, qu'après l'affliction. Donc, pour affronter... et patienter et voir la délivrance, tu as besoin de ces choses-là. Tu as besoin du tawhid. Tu as besoin de la foi au qadar, la foi à l'imène, la foi au destin. Et tu as besoin du tawakkul. Toutes ces choses-là qui vont t'armer et te donner un courage pour aller de l'avant. Nah. Donc cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé l'enseignement ou l'apprentissage d'Ibn Abbas alors qu'il était un enfant. Il lui a pris cela. Donc nous revient à plus forte raison de l'apprendre en tant qu'adulte. Et de vivre avec. ثم قال له, je vais t'enseigner des paroles. Celles qui vont suivre, qu'on a déjà citées dans le hadith. Il lui a dit, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Il lui a dit, protège, préserve. Et là, dans le hadith, il dit Allah. Et comme vous le savez, Allah Azawajal, Allah wa al-Qawiyu, Allah wa al-Ghani, Allah wa al-Aziz, tous ces noms, la force absolue, la puissance, la richesse, le savoir. Et dans d'autres versets, que Allah Azawajal se passe de nous. Allah Azawajal n'a pas besoin de nous. Et Allah Azawajal, celui qui a la puissance inébranlable. La puissance. inébranlable et la force inébranlable, et ce qui s'ensuit comme attribut parfait. Donc de là, cette partie du hadith nous emmène à être interprété que ce n'est pas Allah que l'on secourt, et on ne saurait le secourir, il nous a créé. Mais le sens qui est voulu, c'est de protéger la religion. Comme l'ont dit les ulama, « Intarfaz hudud ad-din » que tu préserves les limites que Allah a instaurées, c'est-à-dire la religion. Ce qui amène à appliquer les obligations et à délaisser les interdits. Et en contrepartie de cela, Allah te protégera. Donc, cela demande des actes, des efforts, et surtout un ilm. Et comme le dhalika, comme le kulli shay, comme le wajibat et l'arkan. En premier lieu, avant même de rentrer dans ce qu'on appelle les obligations, ou de laisser les interdits, il y a les cinq piliers de l'islam que vous connaissez. Ils sont les deux shahada, qui représentent un pilier à L2. Et elle regroupe le tawhid et le suivi de la sunna. Deux shahada qui sont Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité d'être adoré en dehors d'Allah et j'atteste que Muhammad est son messager. Donc en premier lieu, le tawhid. Première chose qui amène à ce qu'on secoue la religion, c'est son cœur et le but de notre création, c'est le tawhid, d'unifier Allah Azzawajal dans sa seigneurie, d'unifier Allah Azzawajal dans l'adoration et d'unifier Allah Azzawajal dans ses noms et attributs. Donc ça commence par là. Première chose, le tawhid. Et il est déplorable de voir que le tawhid est la chose qui est la plus négligée, malheureusement, dans la Ummah. Et quand bien même des gens viendraient te parler de tawhid, ça ne serait que de façon minime et partielle. Le tawhid est une chose qui n'est pas assez assimilée. Si ce tawhid était assimilé, on verrait le fruit de ce hadith et on verrait que la Ummah aurait été secourue. Et comme vous le voyez tous aujourd'hui, nous sommes en état de faiblesse. D'accord ? Pour simple exemple, la Palestine, que nous sommes incapables de défendre. Alors que nous sommes plus nombreux, nous sommes plus forts. Et pourtant, nous avons été éprouvés par l'abandon. Et quand on dit abandon, ce n'est pas un abandon total, mais un manque d'application de cette religion. D'où le fait que le secours n'est pas venu. ويقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم que si vous secourez Allah, il vous secourra et qu'il vous raffermera vos pas. Donc comme on voit qu'on n'a pas le secours, c'est que nous-mêmes on n'a pas secouru Allah, c'est-à-dire sa religion. Ce n'est pas assez appliqué. Donc on en paye un lourd tribut. D'accord ? On en paye un lourd tribut. Alors que si Allah t'apporte le secours, comme encore le Ta'ala, وَمَنْ يَنْسُلُوا اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَنْ يَعْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَذِي يَنْسُلُوكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَلِي الْمُؤْمِنُونَ Que si Allah vous secourt, nul ne saurait vous vaincre. Personne ne pourra te vaincre. Alors que si vous Allah vous abandonne, qui donc pourra vous secourir ? Personne. Et c'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Donc, c'est une promesse d'Allah Azzawajal d'apporter le secours. D'apporter le secours à ceux qui apporteront le secours à sa religion. Donc cette religion, qui est l'islam, il faut la secourir et chacun en mesure de ses capacités. Et l'une des premières causes à faire, c'est l'apprendre. Le dîn, il faut l'apprendre. Car une chose que tu ignores, tu ne sauras l'appliquer. Et la religion, ce n'est pas une chose qui reste neutre. C'est-à-dire que soit tu l'appliques bien, soit tu l'appliques mal. C'est-à-dire que si jamais tu appliques et que ce que tu appliques n'est pas en conformité avec les règles, tu vas faire du mal. D'accord ? Si tu ne fais pas une chose correctement selon les règles, avec les khalas en premier lieu, qui te nuira à toi, si tu n'as pas dit khalas, ça ne sera pas accepté. Et tu ne fais pas selon la sunna, d'accord ? Tu vas faire de la bid'a. Donc tu penses que tu vas faire du bien, tu seras en train de faire du mal. Et combien de gens sont mujtahidou dans la ibadah à la ghayl basira ? Combien de gens tu les vois faire des efforts plus que la plupart d'entre nous, pourtant leurs efforts, ils sont sur le faux. Des adorations qui sont fausses. D'accord ? Et beaucoup également avec une niya qui est corrompue, avec une mauvaise intention. Ils vont faire beaucoup d'efforts, mais la niya, elle n'est pas bonne également. Donc la première cause de secours, c'est d'apprendre la religion. De l'apprendre en but de quoi ? C'est à la bonne rime, dans quel sens ? Afin d'ôter l'ignorance qui est en toi et de pouvoir ôter l'ignorance qui est chez les gens. C'est-à-dire toi-même, tu t'aides en premier lieu, d'accord ? Et par la suite, tu es la niya de transmettre aux autres. Il y a des gens, ils ont cette niya-là, mais ils n'ont pas les bons éléments. Par exemple, établir, ils veulent aider les autres. Le problème, c'est qu'ils ne pourront aider personne alors qu'ils ne sont pas aidés eux-mêmes. Ils n'ont pas appris, ils n'ont rien fait. Par exemple, voilà, ils font des efforts dans la darwa, d'aller appeler les gens, mais ils le font très très mal, et ils font plus de mal en réalité que de bien. D'accord ? Donc en premier lieu, la bonne niya, d'accord ? La bonne niya, car elle est la base de l'acceptation des actions, auprès d'Allah Azzawajal. Puis l'apprentissage pour avoir des actions en conformité avec la sunna. Ainsi de suite. Et chacun son rythme et chacun son niveau. Mais d'avancer. Donc Allah Azzawajal nous a promis le secours pour qui secourrait sa religion. Comme encore le Ta'ala, « وَعَدَ اللَّهُ لَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Que Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et œuvré dans le bien qu'il leur donnera la suprématie sur terre comme il l'a donné à ceux d'avant eux et qu'il fera que leur religion sera la dominante, et qui changera leur peur en paisibilité. Ils seront rassurés. C'est une promesse d'Allah, Azzawajal. Mais après, il a mis la condition. Pour obtenir cela, qu'il m'adore, Ya'budunani, il m'adore, c'est-à-dire le tawhid, d'accord, l'adoration correcte, concrète, et ne m'associe rien. La yushikuna bi shay'a. Car ce qui s'oppose au tawhid, c'est le shirk. Le fait d'accorder autre que Allah ce qui revient à Allah Azzawajal, que ce soit totalement, partiellement. Tu donnes à autre que Allah ce qui revient à Allah seul. Et ça, il faut l'apprendre. Qu'est-ce qui revient à Allah ? Parce que des gens, ils font du shirk, ça ne même pas. Pour eux, le shirk, c'est se poser devant une pierre, une idole. Adorer Bouddha ou ce genre de choses. On dit le shirk, c'est bien plus large que ça. Cependant, si tu ne l'apprends pas, tu ne pourras pas savoir. Donc, il dit à Allah Azzawajal, il a promis de donner cette suprématie, d'accord ? De changer les craintes et de donner la paisibilité, et de donner de faire prédominer la religion sur toute chose, pour ceux qui l'adoreront sans rien lui associer. Et après il a dit, وَبَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ceux qui m'y croient, après avoir su cela, ce sont les pervers. Et là c'est la perversion qui est majeure. D'accord ? C'est pas pervers d'une sorte, d'une façon que tu es une personne qui fait des péchés. Là, c'est la perversion qui est majeure, qui sort de l'islam. Non. Donc, c'est une promesse. Et cette religion, on ne peut la secourir qu'en l'appliquant, en faisant ce que Allah Azzawajal nous a donné comme asbeb, comme cause. D'accord ? On a des causes légiférées pour faire les choses en bonne et due forme. On ne fait pas les choses avec nos têtes, avec nos émotions, avec nos sentiments. Mathalan, comme vous avez vu ces jours-ci, ce qui s'est passé, on n'apportera aucun secours et on n'obtiendra aucun secours d'Allah en allant voter. Par exemple, pourtant vous avez vu que la plupart des musulmans en France sont partis voter. Et on appelait à cela. On dit ce verset, vous l'avez contredit. Allah ne va pas te secourir en faisant ce qui s'oppose à sa religion. Et là, tu vas faire des lois des koufars qui ont été mises en place, des pays ont été décimés par les koufars pour instaurer la démocratie. D'accord ? Le mal qu'ils font dans les pays d'islam, c'est pour instaurer la démocratie, pour dégager la charia. Et nous, on vient ici et on applique la démocratie alors que personne ne nous y force. Juste pourquoi ? Pour remplir nos ventres et dormir confortablement. Donc là, le secours, on va l'avoir ? On ne va pas l'avoir. Les gens pour aller, même s'il y a tous les possibles vont voter pour, ils ne vont pas avoir de secours. Il n'y a pas de secours comme ça. Le secours, tu l'as avec les causes légiférées qui vont avec. Sans quoi, il n'y a pas de secours. Naam. Après, il a dit, donc tu trouveras Allah devant toi. D'accord ? ثم قال وإذا سألت فاسأل الله. Que si jamais tu demandes, demande à Allah Azawajal. طيب كما قال تعالى ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Invoquez-moi, je vous répondrai, et ceux qui s'enflent d'orgueil face à mon adoration entreront en enfer. Donc Allah Azawajal te demande de l'invoquer, te demande de lui demander. Allah il le renie. Comme il a dit dans un hadith, « وَلِجْتَمَعَتِ الْإِنْسَ وَالْجِنَ عَلَىٰ فِي سَعَدٍ وَاحِدٍ فَاسْأَلَنِي كُلُ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهِ فَاعْتَيْتُ كُلُ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهِ مَا نَكَسَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا كَالْمَخِيطِ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرِ. Il a dit que même si tous les djinns et les hommes, dans le hadith, j'ai oublié de le citer en arabe, mais il dit les premiers des hommes, jusqu'au dernier des hommes, les premiers des djinns sur le dernier des djinns, et qui étaient sur tous sur le, avec le réunis en un seul endroit, et que chacun me demandait, et que je donnais à chacun ce qu'il me demande, cela ne retirait en rien de ce qui est auprès de moi, pas plus qu'une aiguille que l'on rentre dans l'eau et que l'on ressort. T'as pris une aiguille, l'une des choses les plus fines qui existent. Tu la rentres dans la mer, l'une des choses les plus vastes qui existent. Tu la ressors, il y a quoi qui sort avec ? Encore la goutte elle tombe. Il ne reste plus rien sur l'aiguille. Eh bien, ça ne retire en rien au royaume d'Allah, qui se tenait à tous les hommes réunis, du premier au dernier, et tous les djinns réunis, du premier au dernier. Donc Allah je te demande de lui demander. Donc là, il dit, Isa Salta face à l'Illah. Si tu demandes, tu demandes Allah. En premier lieu, avant toute chose, tout ce que tu souhaites avoir, d'accord ? En premier lieu, demande à Allah Azawajal avant de faire les asbeb pour t'investir dans ton projet. Que ce soit dunya, que ce soit mariage, que ce soit talab al-ilm, que ce soit construire une maison, que ce soit ce que tu veux. D'accord ? En premier lieu, tu commences par le dua. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui va te donner. S'il veut te le donner, si tu le mérites. Mais en premier lieu, il faut que tu le demandes. Et malheureusement, aujourd'hui, on est à une époque, et principalement dans un pays comme la France, où les gens étaient habitués à être assistés. On leur donne tout ce qu'ils veulent. Ce qui fait qu'ils ne demandent plus à Allah. Car ici, ils s'imaginent que tout est garanti déjà. Les choses sont déjà là. Donc il n'y a plus de demande. Alors que la demande, c'est une adoration. Ad-du'a, ou al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Et Allah, il aime qu'on lui demande. Et aujourd'hui, les gens, les koufars ont anesthésié la Oumma avec des aides à tout va, ce qui font qu'ils ne demandent plus à Allah Azawajal. Car ils savent qu'il y a la créature qui leur donne. Cependant, la créature, ce qu'elle possède est minime. Et ce qu'elle possède, en réalité, ça appartient à qui ? Ça appartient à Allah en premier lieu. Donc, la demande d'Allah, eh ben, elle est quasi inexistante. Et même quand les gens veulent faire des choses, ils font les mauvaises causes. Comme on expliquait tout à l'heure, par exemple, le fait d'aller voter. Alors qu'Allah Azawajal t'a dit que si tu lui demandes, il va te donner. Et Allah t'a donné des façons de lui demander pour qu'il puisse te répondre. Les asbabs pour que tes doigts soient exaucés, ils sont tous exposés. Il y a juste à les appliquer correctement. Voyez, par exemple, les gens veulent secourir la Palestine, ils vont manifester. Ta manifestation ne servira à rien du tout. Ce n'est pas une cause que Allah Azawajal a légiférée pour obtenir le secours. Pareil. Alors que par exemple, dans le Coran, dans la Sunna, et dans maintes endroits dans le Dîn, Allah Azawajal nous informe que, comme dans le Hadith, يَنْزِلُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ إلى السماء الدنيا، فيقول من سائل يسألني فأعطيه. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah azawajal descend chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, au ciel de la dunya. D'accord ? Ça c'est un attribut d'Allah, la descente. Et on y croit. D'accord ? On y croit. Les douloureux du kitab précédent nous suffisent pour ne pas rentrer dans ce que les gens veulent nous faire dire alors qu'on n'a pas dit. On dit juste que la descente, on sait ce que ça veut dire, qu'Allah descend et on l'affirme. Et Allah azawajal dit qu'il descend à ce moment-là pour demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut alors que je lui donne. Donc on dit aux gens, au lieu de vous rassembler tous à des milliers là, à je ne sais quelle heure, place de la République, je ne sais où, à crier, à chanter, à danser, peut-être même à faire du mal, combien d'entre vous se lèvent à cette heure-là pour demander à Allah ? Il n'y en a quasiment aucun. Quasiment aucun. Et vous dites que vous voulez sauver la Palestine, mais faites les causes légiférées. Là, ça prouve que c'est que des émotions, c'est pas du djinn là. C'est juste des émotions. Sans quoi, si vraiment vous voulez, il l'a dit, Allah l'a promis qu'il va secourir celui qui secourt sa religion. Quand tu vas manifester, tu apportes des choses qui vont détruire la religion. Et tu vas te mélanger aux ennemis d'Allah, avec les koufars, avec les faussaires, et avec je ne sais qui. Parce qu'à manifester, les koufars savent le faire. Ils sont les premiers à le faire. D'ailleurs, ça vient d'eux, les manifestations. Les mouzaharat, ça vient des koufars. Ça ne vient pas de l'islam, jamais. Donc on dit aux gens, pourquoi tu ne fais pas ça ? Parce que voilà, à cette heure-là, bah, il dort. On dit, bah voilà. Et bah tu veux aider la Palestine, toi, à cette heure-là, ils ne dorment pas, eux. Ceux que tu veux aider pour qui tu pleures, on prend des images d'enfants déchiquetés, ça fait mal au cœur, voilà, c'est une réalité. Mais on te dit, voilà, lui, là, quand toi tu dors, à cette heure-là, il ne dort pas. Il pleure. Tu le soutiens, lève-toi comme lui, sauf que toi, alhamdoulilah, t'es en sécurité. À ce moment-là, lève les mains et invoque. Tu arriveras ? Non, j'y arrive pas. Tu n'es pas en train d'aider tes frères, là-bas. Tu vois. Mais ça, c'est dur pour le nefs. Ça, c'est très très dur pour le nefs. Donc c'est ça que les ulama disent aux gens. Faites les causes légiférées. Il y a des causes. Allah dans le Coran nous a dit comment faire. Vous ne voulez pas le faire. Vous obstinez à aller faire ce qu'il y a dans vos têtes. Vous ne voulez pas le faire. Kazalik, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna bayna al-azan wa al-iqama, dua yustajab. Entre l'azan et l'iqama, il y a des duas que Allah y répond. Il y en a combien de ces gens-là qui vont faire la salah, qui vont masjid, entre l'azan et l'iqama, ils sont assis, ils lèvent les mains pour demander. Combien parmi ceux qui manifestent ? Je pense qu'on verra aucun. Déjà, est-ce qu'ils vont masjid à Allah? Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a une heure à laquelle Allah azawajal, yom al-jumu'ah, il répond, par exemple. Et la vie le plus fort, c'est que c'est la dernière heure avant le maghreb. Combien d'entre eux, soit à ce moment-là, sont dans un coin discret, ils demandent à Allah azawajal. Voilà. Dans un hadith, c'est venu qu'Allah azawajal, parmi les causes des du'a, ou qui empêche que le du'a soit exaucé, c'est que tu manges du haram, que tu sois revêtu de haram, et ainsi de suite. Combien de gens ont les salaires qui sont haram? Et après, ils vont manifester. On dit, tu sais rien ce que tu fais. Tu te casses les cordes vocales, c'est ça ce que tu fais. Et ainsi de suite. Et quand on leur explique les choses, ils te prennent un ennemi, que tu es un vendu, que tu ne fais rien, tu ne sers à rien. Non. Alal asaf. Wa yaqul, wa ista'anta fasta'in billah. Si jamais tu recherches de l'aide, recherche de l'aide auprès d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est une chose qu'on répète tout le temps, qui est parmi les arcanes de la salat dans le fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi, c'est toi seul que nous adorons, et ce n'est qu'auprès de toi que nous recherchons de l'aide. Falasti'ana, c'est le fait de demander l'assistance de l'aide d'Allah Azzawajal. C'est une adoration. Et qu'il n'est pas permis de demander de l'aide à autre que Allah, dans ce que seul Allah Azzawajal peut faire. D'accord ? Et aujourd'hui, les gens cherchent de l'aide dans différentes choses qui sont même interdites. Pourtant, chercher de l'aide dans la patience et dans la salat. Au lieu de ça, les gens vont faire autre chose. Ils veulent un secours avec du haram. T'en as même, de ce que j'ai vu, ils en arrivent à faire de la musique. Ils disent que les bénéfices de la musique vendue, c'est pour la Palestine. Je suis en train de tuer les Palestiniens avec ce que tu fais là. Tu leur donnes du poison, ton argent, il est haram. Tu ne vas rien faire pour eux. Tu ne vas rien faire pour eux. Rien du tout. Donc l'esti'ana, d'accord ? L'esti'ana, tu l'as fait auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, seulement. Après, il est permis de demander de l'aide à la créature dans ce qu'elle peut faire. Mais awwalan tabda bil isti'ana billah. En premier lieu, tu demandes Allah. Tu demandes Allah en premier lieu. Et après, tu fais les causes. Les causes légiférées. Les causes qui ne sont pas légiférées, elles ne te servent à rien, tu te fatigues. tu n'obtiendras, tu vas rien obtenir de. Et si jamais tu l'obtiens, il n'y aura pas de baraka dedans. Même on dit que tu l'obtiens, quelqu'un dit, ouais, il y a des gens, ils volent, ils deviennent riches en volant. Les gens, ils vendent de la drogue, ils deviennent riches. Le dealer. T'en es, vendent de l'alcool, ils sont riches. Les gens vont dire, ah, tu vois, regarde, il est riche. Oui, mais cette richesse, il n'y a pas de baraka dedans. Il y a qu'Allah Azawajel, qu'Allah Yastawil Khabis ou le Toyib, ou alors Arjabaka Kasatul Khabis. Dit que le bon et le mauvais ne sont pas égaux. Même si le. Même si la multitude de mauvais te plaît, ça, auprès d'Allah Azawajel, ça ne se voit pas. Même que tu sois peu dans le halal que beaucoup dans le haram. Yom al-Qiyama, ce haram en multitude va te nuire, va te détruire. Et tu aurais voulu même mettre un clochard sur la stikama ce jour-là. Tu vas pleurer pour chaque euro ou chaque dollar que tu auras dans le haram, tout sera contre toi. Malheureusement. Mais les gens sont impressionnés et veulent la dunya. Et leur point de retour, c'est la dunya. Et non pas la baraka et le halal. Thumma, il a dit وَنِجْتَمَعَتِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Que si toute la communauté venait à se réunir pour t'apporter quelconque bien, il ne saurait t'apporter qu'un bien que Allah Azzawajal t'a déjà écrit. Donc ça vient au verset qu'on a dit tout à l'heure, que si Allah te secourt, personne ne pourra te battre. Et que si Allah Azzawajal t'abandonne, personne ne pourra te sauver. Non. Et quand on sait cela, eh ben ça nous force à quoi ? À revenir vers lui, espérer de lui. Tout comme il a dit dans le hadith, وَلَنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّكَ إِلَىٰ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Que si jamais ils veulent tenir en quoi que ce soit, ils ne seront tenus parce que Allah t'a déjà également écrit. Donc même si tout le monde veut faire du mal, ils ne pourront rien te faire parce que Allah t'a déjà écrit. Donc ça t'amène à quoi ? Ça donne un courage immense que tu n'as pas peur de la créature. Tout comme tu n'espères pas de la créature. Tu n'espères que d'Allah Azzawajal. Comme encore le Ta'ala, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. Ceux dont à qui il a été dit, prenez garde, les gens sont tous réunis pour vous nuire, alors craignez-les. Ça c'était pour les Sahaba, pour leur dire que Quraysh, tout ça, ils s'unissent pour vous nuire. فَقُلُوا حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Ils ont dit que Allah nous suffit et quel bon garant. وَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Et cela n'a fait que leur rejeter de la foi. Cela n'a fait que leur rejeter de la foi, de savoir qu'on veut leur nuire, que tout le monde se réunit pour leur faire du mal. Et c'est quoi la cause ? C'est parce qu'ils sont des musulmans. Donc toi, par rapport à ça, tu te rappelles que c'est seul Allah Azzawajal qui est celui qui est à craindre concrètement et celui de qui il faut espérer. Et j'avais oublié de dire, dans le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, وقال سبحانه وتعالى كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Il dit que ne nous atteindra que ce que Allah Azawajal nous a écrit. Donc quand tu as une chose à faire, va de l'avant. N'aie pas peur d'un tel ou un tel. Fais ce que tu as à faire. D'accord ? Et si tu dois craindre, tu dois craindre que Allah Azawajal. Tu ne dois pas craindre les gens. Et si jamais tu espères d'Allah et que tu crains Allah, tu feras beaucoup de choses en religion. Sans te soucier des critiques ou du regard des gens. Tu feras des grandes choses. Et de là, tu vas obtenir le secours. Parce que tu vas appliquer la religion, concrètement. Mais aujourd'hui, on arrive à un stade de faiblesse de foi qui fasse qu'on a peur des gens. On a peur des critiques des gens. On a peur du regard des gens. Alors que les gens, ils ne vont rien nous apporter, ils ne peuvent rien nous faire. Le hadith te le montre. Les gens, même s'ils se réunissent tous, ils ne pourront rien te faire. S'il y avait tout quelque chose, c'est qu'Allah, il avait écrit que ça avait arrivé. Tu vois. Et pareil, même si tu apportes des choses, tu vois, des gens, ils t'ont fait plein de cadeaux, ils t'ont donné plein de choses, c'est qu'Allah, c'est juste Allah a fixé des causes pour que ces choses te parviennent. Mais en vrai, ça vient d'Allah, ce qu'on entend Allah. Tu vois, ça vient de lui. Et ensuite, il a dit, Rufi'at al-aqlam wa juffat al-suhuf, que les plumes sont levées et que l'encre a séché. De quelle plume il s'agit ? Il s'agit des plumes qui écrivent filouh al-mahfouz, qui écrivent ton destin. Et que l'encre a séché, c'est-à-dire que rien ne t'arrivera, c'est ce que Allah Azawajal a déjà prédestiné. Toi, tu ne sais pas ce qui t'attend, mais tu sais ce que tu dois faire. D'accord ? Tu ne sais pas ce qui t'attend, mais tu sais où tu dois aller. Vas-y. Et si jamais tu te rappelles de ce genre de hadith et tu les assimiles bien, tu vas y aller, bismillah, là, tu n'auras pas peur. Et là, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne cela à un enfant. Imaginez-vous un enfant qui conduit là-dessus. Il va faire des choses immenses par la suite. Il va faire des grandes choses, des choses grandioses. Et dans une autre version du hadith, il dit « Irfazillah tajiduhu amamak » Protège Allah, c'est-à-dire la religion d'Allah azawajal, il le trouvera devant toi. Et là, nokta ki muhimma, il a dit « Wata'arraf ala Allah fi rocha ya'alifuka fi shidda » Rappelle-toi d'Allah dans la facilité, au moment où tout va bien. Car un jour viendra l'épreuve, et à ce moment-là, Allah se parlera de toi. Comme ce fut le cas, par exemple, de Younous, alayhi salam. Younous, vous connaissez son histoire, qui était sur un bateau, et qui était jeté à l'eau, et qui était avalé par une baleine. Cela s'est passé à soir, la nuit. Mer déchaînée. Je ne sais pas si vous aimez, imaginez-vous, vous êtes sur un bateau, sur l'océan, la nuit, avec des vagues immenses. Et on vous dit que, on te fait comprendre que si jamais on ne te jette pas à l'eau, le bateau va tirer à l'eau quand même de toute façon. Mais toi et les autres. Donc il faut qu'il y en ait un qui soit jeté à l'eau. Donc ils ont fait un tirage au sort. C'est tombé sur Younous. Et les gens n'ont pas voulu jeter à l'eau. Ils disent non, toi t'es trop pute, t'es trop droit. Ils ont recommencé le tirage au sort. C'est retombé sur Younous. Et là Younous, il savait, il a dit c'est parce que ce que Allah m'a demandé de faire, je ne l'ai pas fait. Il devait appeler son peuple à croire, il est parti avant. Donc il a dit, c'est pour moi ça. Il s'est jeté à l'eau. Dans l'eau noire, froide. Déchaîné. Et de là, une baleine l'a avalé. Une baleine l'a avalé. Et cette baleine est descendue à foine dans les profondeurs des abysses. Et pourtant, Yaqullah Azawajel, وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمَ يُبْعَثُونَ S'il n'avait pas été de ceux qui font la salat auparavant, le tasbih, le zikr, dans la dunya et tout, il serait resté dans le ventre de ce poisson jusqu'au jour de la résurrection. Donc Allah Azawajel a sauvé Younous par rapport aux actes de bien qu'il faisait avant. Il l'a sauvé de ses ténèbres par rapport à quelque chose, aux actes qu'il a fait auparavant, dans l'aisance. Quand on dit l'aisance, c'est au moment où il était en sécurité et dans la facilité. Kazalik Youssouf alayhi salam, Youssouf connaît son histoire qui a été éprouvée par ses femmes, d'accord, qui a préféré aller en prison qu'être exposé à la fitna des femmes. Il a dit, Rabbi Sijnu Habbu ilayyan mimma yadwanani ilayhi. Il a dit, oh mon Seigneur, que la prison est préférable que ce à quoi elle m'appelle. Et de là, il a dit à Azawajel, Kazalik al-Nasrif a'anou asu wal-farsha innaou min ribadina al-mukhalasin. C'est de cette façon que nous avons détourné de lui le mal et les turpitudes, car il était parmi nos serviteurs sincères. Donc l'ikhlas de Youssouf, la bienfaisance qu'il avait d'auparavant, a permis que Allah lui réponde et l'évite le mal de ses femmes. Donc ça revient à ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Le bien que l'on fait en religion, aujourd'hui peut-être tu ne t'en rends pas compte, mais un jour tu le verras. Et quand le moment, au moment où tu seras le plus en besoin de l'avoir, Allah va te répondre. Pour des choses que tu as fait auparavant, comme bien, tu vas retrouver les fruits positifs de ces actes dans la difficulté. Ta'arrafara Allah fi rocha, ya'alifuka fi shidda. Et c'est ça le remerciement et la reconnaissance. Et Allah min asma'i al-shakur, que Allah est reconnaissant. Min asma'i Allah al-shakur, Allah il est reconnaissant. Et ça c'est tout le contraire des mouchilikoun. Eux par contre ils sont ingrats. Comme a dit Ta'ala, ou ils rakibou fil furk, دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذ هم يشركون lorsqu'ils montent sur le bateau, d'accord, les mouchidikoun, ils invoquent Allah parce qu'ils ont peur. Ils savent que là sur l'eau il n'y a rien, c'est que Allah qui peut le sauver. Le vent c'est Allah qui le contrôle, la mer c'est Allah qui la contrôle. C'est vraiment, ils sont livrés à Allah azza wa jalla seulement. Donc qu'est-ce qu'ils font à ce moment? Ils sont sincères, les gens, ils invoquent Allah. À cette époque tu vas les voir avec l'avion, par exemple, quand ils reprennent l'avion tu les vois, ils sont, voilà quoi. Même ceux qui disent athées ou quoi, ils ont l'espoir d'être... Ils savent que t'es dans l'air, là, il n'y a rien qui te tient. T'as beau avoir le meilleur des avions, les plus gros réacteurs, ce que tu veux, c'est pas ton domaine naturel, c'est le ciel. Là, s'il y a un problème, c'est par terre. Et c'est meurtrier. Et les gens, ils savent, dès que l'avion décolle, les cœurs, ils décollent avec. Et quand l'avion atterrit, tout le monde applaudit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça aussi. Les gens sont anciens, parce qu'à la base, tu es un être humain, tu es fait pour être sur Terre. Le ciel, ce n'est pas ton domaine. C'est pour les oiseaux, c'est pas pour l'homme. Donc à ce moment-là, ils savent que ce n'est pas le pilote, rien du tout. C'est Allah. Tu vois ? C'est Allah, Zawajel. Donc dans ce verset, Allah dit que lorsque les mouchidikoun montent sur le bateau, ils l'invoquent, sincèrement. Qu'il les préserve, qu'il les sauve, qu'il les fasse parvenir en sécurité. Et une fois qu'ils arrivent sur la berge, voilà qu'ils recommencent leur shirk. Tu vois, ils oublient. Ça y est, ils ont oublié. Eh bien, toi, ce hadith, t'apprends de ne pas être comme ça. Ne pas attendre la difficulté pour demander. Une fois que tu as la facilité, tu oublies. Non, toi, c'est quand c'est facile, tu te rappelles. Et quand ça va être dur, tu vas trouver les fruits de, cette, de ce rappel que tu as auparavant. D'accord ? Non. Et après, il a dit « Wa'alam annama asabak » Lam yakun anam. Et aussi, j'ai oublié de dire, parmi les salafs, Bardoum kana yakul, Taharruf ala Allah fi roha, Laysa alikarrab bihi, Walakin, Iza araftahu, Tastahi minhu. Le fait de se rappeler d'Allah Azawajal, ce n'est pas le fait de le reconnaître seulement. C'est le fait que lorsque tu te rappelles de lui, tu es gêné de lui. Quand tu te rappelles d'Allah, tu es gêné d'Allah Azawajal. Car tu sais qu'il t'a donné, et que quoi que tu fasses, tu n'as pas été assez reconnaissant. Qui t'a sauvé de 10 mille situations, tu n'as pas été assez reconnaissant. Donc tu es gêné. D'accord ? C'est-à-dire même quand tu demandes à Allah qui te donne, ou quoi, tu te rappelles qui il est, et tout ce qu'il t'a donné, et tu demandes, et malgré tout, tu es gêné. Tu dis, mais je ne mérite pas tout ça. Et pourtant, je demande. Parce qu'Allah, il veut que tu lui demandes. D'accord ? Donc, se rappeler de lui, Azza wa Jal, Tabaraka wa Ta'ala, ça va amener, non pas que juste tu te rappelles de Allah, il existe. D'accord ? Mais tu te rappelles de tout ce qu'il t'a déjà donné auparavant, qu'il te voit, qu'il sait ce que tu ressens, ce que tu veux, d'accord ? Faut que tu aies gêné. Car tu sais qu'en réalité, tous ces bienfaits, tu ne les mérites pas. Sur côté de le bien que tu as fait toi et les bienfaits qu'Allah t'a donné, c'est inéquitable. C'est inéquitable. Donc tu es gêné. Et malgré cela, tu te rappelles de lui. Et après, il a dit Wa'alam annama asabak lam yakun yurti'ak. Et que ce qui t'a atteint, tu ne devais pas en être épargné. Donc quand tu t'attends, tu dis quand Allah m'a chafa'il. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah ista'in bila wa la tarjazna wa inna sabaka shi'un fa la ta'kul law fa'altu la kana kaza wa kaza wa lakin kul fa inna law yiftah abwaab ash-shaytan wa lakin kul qadar Allah m'a chafa'il. Qadar Allah m'a chafa'il. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant cela il a dit que al-mu'min al-qawi khayrun wa habbu lillah min al-mu'min al-da'if. Il a dit que le croyant fort est meilleur et préférable au Padallah Azawajal. Là, quand on dit fort, c'est fort de la foi. Ce n'est pas le physique, c'est la foi. D'accord ? Il a dit, mais les deux, ils ont du bien. Même le faible, tant que c'est un mu'min, il y a du bien en lui. Et il a dit, recherche de l'aide auprès d'Allah Azawajal, comme dans le début du hadith, et ne baisse pas les bras. Fais ce que tu as à faire. Wahris ala man fa'ouk. D'accord ? Investis-toi dans ce qui t'est profitable. Et si une chose t'atteint, ne dis pas, si j'ai fait telle et telle chose, il serait passé telle et telle chose. Ne dis pas ça. Mais dis, qu'est-ce que Allah a prédestiné, Allah il le fait. Quoi qu'il arrive, d'accord ? Ne dis pas, si j'avais fait ça, il serait passé telle et telle chose. Mais tu dis, et si jamais dans cet acte que tu as fait, tu sais qu'il était mauvais, tu en as payé les conséquences, et ben tu fais tawba et tu en prends leçon pour l'avenir pour ne pas recommencer. D'accord ? Tu prends le son pour l'avenir, pour ne pas recommencer. Mais tu ne dis pas si. Car là, c'est remettre en question le destin. Ce n'est pas dans l'absolu, mais c'est souvent ce qui arrive chez les gens. D'accord ? Car tu ne sais pas ce qui serait passé. Cette chose-là que qui t'a amené à tel résultat, tu en aurais fait une autre, tu ne sais pas ce qui serait passé. Ça aurait été pire. Tu ne sais pas. Donc, ce qui t'a atteint, d'accord ? Tu ne devais pas en être épargné. Et ce dont tu as été épargné, ne devait pas t'atteindre. Donc ça sert bien à croire au destin. Mais toi, comme on te le dit, irfazillah, irfazka, c'est tout. Tu veux te préserver de ce genre de choses, tu protèges la religion d'Allah, Allah te protégera. Et après il a dit, wa'alam anna sabr ou anna nasr ma'al farj, ma'al sabr afwan. Et sache que le secours vient après la patience. Ça veut dire que le secours, il ne vient pas d'un coup. C'est obligatoire qu'il t'arrive des choses pour que le secours vienne. Comme encore le Ta'ala, « M'hasibtum man tatrulu l'jannata wa lamma yatikum mathalu lazina khalu min kablikum » مساتهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Il a dit, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis alors que vous n'avez pas été atteint de ce qui a atteint ce qui était avant vous? Voyez, ils ont été frappés par maintes épreuves, séismes, ce qui s'ensuit, à tel point que le prophète qui était avec eux disait, mais quand viendrait le secours d'Allah? Ils n'ont pas désespéré qu'il va venir, mais juste quand est-ce qu'il va arriver? C'est bon, c'est dur à supporter. Quand est-ce qu'il va venir? Et n'est-ce pas que le secours d'Allah, il est proche? Donc ce secours, même toi, pour que tu le savoures, que tu le réalises, il faut que tu aies subi auparavant. Tu ne sauras apprécier d'être déshydraté qu'après avoir connu la soif. Tu ne sauras apprécier d'être rassasié qu'après avoir connu la faim. Tu ne sauras apprécier la sécurité qu'après avoir connu la peur. Et ainsi de suite. Donc, Allah Azawajal, en réalité, c'est une hikma de sa part que tu connaisses cette difficulté, car le jour où la facilité elle vient, tu l'apprécies, tu la savoures. Alors que si tout était facile, il n'y aurait pas de sens. Tu vois? C'est comme tu as des gens qui disent, par exemple, ils disent souvent, ouais, pourquoi dans le monde il y a des pauvres, il y a des riches? J'aimerais que tout le monde soit riche. On dit, si tout le monde était riche, tu ne sauras pas que tu es riche. Comment un riche sait qu'il est riche? Parce qu'il y a des pauvres. S'il n'y a pas de pauvres, il ne saura pas qu'il est riche. Si on est tous pareils, il n'y a plus de faveur. Dans le cas où la richesse serait une faveur, je parle. Donc c'est quoi qui fait que la fierté du riche, c'est qu'il se voit meilleur que les autres. Il dit, moi, j'ai ce qu'eux n'ont pas. D'accord? Donc, Allah Azawajal, il donne à qui il veut. Il donne la richesse à qui il veut. Donc ce genre de grâce, pour que tu t'en rendes compte, il faut que son opposé existe. Quand des gens te disent qu'on voudrait qu'on soit tous beaux, mais si on était tous beaux, on ne saurait pas c'est quoi être beau parce qu'il n'y a pas de gens qui sont moches. Bon, savoir que tu es beau, c'est qu'il y a des gens qui sont moches. Donc tu as besoin de ces gens-là. Et en même temps, c'est un rappel pour les gens qui disent, mathalen, qui méprisent certains travaux à faire. Des travaux dans le halal qui sont à faire, ils méprisent les gens qui font ce travail-là. Par exemple, ils vont mépriser les éboueurs. Et c'est quoi ce travail d'éboueurs et tout? Tu vois? Ils disent, il n'y aurait pas d'éboueurs, les rues, elles seraient sales. Donc remercie qu'il y ait des éboueurs. Et respecte leur travail. Peut-être que toi, pour toi, tu ne voudrais pas être éboueur, mais lui qui fait ce travail-là, il fait un travail qui est halal et qui profite à la société. Il y a besoin de lui. D'accord? Il y a besoin de lui. Donc il ne faut jamais priser les gens quand ils font un travail halal. Toi, tu peux dire, moi, je ne veux pas faire ce travail-là, mais ne le méprise pas lui du fait qu'il le fasse. C'est une hakma. Imagine tout le monde aurait, comme vous êtes tout à l'heure, tout le monde a je ne sais quoi comme diplôme et tout le monde veut devenir un médecin. Qui va nettoyer les rues? Parce que le médecin, ça doit être propre. Hein. Tu peux être médecin, ça doit être quelqu'un de propre. D'accord? Faire les maisons, il faut des ouvriers. Demain, le caharaba, il coupe chez toi l'électricité, il faut des gens qui viennent le réparer. C'est pas des sous-métiers, ça. On a besoin de gens qui font ça. Tout comme on a besoin des gens qui fassent des choses à plus haut niveau, on a besoin de gens qui fassent des travaux moindres, mais dont on a besoin également, sans lesquels on ne peut pas vivre en cette époque. Donc, il y a une sagesse dans tout. Mais pour que tu connaisses, d'accord, la chose haute, il faut qu'il existe une chose qui soit basse. Donc il y a une hikma. Donc quand les gens disent, ouais, je voudrais qu'il n'y ait pas de pauvres sur terre, dis, tu dis n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des pauvres sur terre. Et Allah, il a voulu qu'il y ait des pauvres sur terre. Mais il y a des causes pour que cette pauvreté, d'accord, elle leur soit supportable. Il y a des gens, si tu leur donnes de l'argent, ils vont se perdre. Tu vois, il y a des gens, tu leur mets de l'argent dans les mains, ils vont se perdre. C'est comme des gens, comme exemple d'une voiture, tu mets des gens, tu leur mets une grosse voiture puissante, il va se tuer avec. Tu lui dis, toi, fais du vélo, c'est mieux pour toi. Tu vois. Et t'en as, ils maîtrisent. Mais t'en as, tu leur donnes, et ben voilà, ben l'argent, tu l'as dans la main de la plupart des gens, tu vas les mettre riches, ils vont devenir orgueilleux, ils vont devenir dépensiers, ils vont devenir outranciers, car c'est connu que les gens les plus mauvais, souvent, sont les gens riches. Ma'aloum, d'alik. Car tu crois que tu te crois plus haut que les autres. Donc quoi qu'il en soit, dans le hadith, il dit que pour que le secours vienne, il faut que tu aies patienté au préalable, c'est-à-dire que tu as subi des choses. Et il a dit « Wa anal faraj bad al karb » le soulagement vient après l'affliction. Pareil, comment tu peux connaître un soulagement si tu n'as pas connu de douleur au préalable? Ça va être normal pour toi, mais quand tu as eu mal quelque part, tu as été malade, et que tu vois que tu te rétablis, que la douleur part, là tu savoures. Pourquoi? Parce que tu as connu avant. Donc Allah t'a promis que ça va venir. Mais avant que ça vienne, il faudra que tu subisses quelque chose. C'est pour ça que dans le Coran, il n'y a aucun verset, dans les hadiths, tu ne trouveras aucun hadith qui t'apprend comment éviter l'épreuve. Non, on t'apprend comment affronter l'épreuve, car l'épreuve sera inévitable. L'épreuve a été promise dans maintes versets. Donc l'islam ne t'apprend pas à l'éviter. L'islam t'apprend à l'affronter. Quand elle vient, tu fais face. Et ce hadith t'y aide à savoir que ça devait t'arriver. Et à savoir que même si tout le monde vient pour te faire du mal, ils ne vont t'apporter aucun mal que celui qu'Allah Azzawajal t'a écrit. Que si tout le monde veut t'apporter du bien, ils ne sauront t'apporter que ce qu'Allah Azzawajal t'a déjà prédestiné. Et également, tu veux le secours, alors applique la religion. Tu veux quelque chose, tu demandes à Allah. Tu as besoin d'aide, tu demandes à Allah Azzawajal. Naam. خلاص سنكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله وأنا أقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك